Donc l'égorgement d'une bête, quelle qu'elle soit, si elle est faite pour autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le sens du ta'zim, de la vénération, de donner de l'importance, de la ibada, dans le sens de l'adoration de cette personne, ou autre de cet ange, ce djinn, quel qu'il soit, c'est du shirk akbar. Donc Cheikh Al-Uthaymeen va nous catégoriser, donc les différentes catégories, va nous catégoriser l'égorgement. Le premier, il dit, an yaqa'a ibadatan, qu'il se fasse par adoration. Bi an yaqsida bihi ta'zim al-madhbuhi lah. Donc il vise par cet égorgement la vénération, donc donner de l'importance à celui pour qui il égorge. Wa tadhallul lah. Et il vise aussi l'humilité, l'humiliation devant celui-là. Wa taqarruba ilayh, et le rapprochement vers celui pour qui il égorgement. Fa hadha la yakunu illa lillah. Ceci ne doit être que pour Allah. 'Ala al-wajhi alladhi shara'ahu. Et mais aussi de la manière dont Allah subhanahu wa ta'ala l'a légiféré. وَصَرْفُهُ لِغَيْرِ اللَّهِ شِرْكٌ أَكْبَرٌ. Et donc faire ceci pour autre qu'Allah est du grand shirk. وَدَلِيلُهُ مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ رَحْمَهُ اللَّهِ. Et la preuve de ça est donc le verset cité par Allah, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي, dit ma prière et mon égorgement, etc. sont pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est la première catégorie d'égorgement. La deuxième, أن يقع إكراما لضيف أو وليمة عرس أو نحو ذلك فهذا مأمور به إما وجوبا أو استحبابا. Il a dit que cela se fasse donc par générosité pour un invité. J'accueille quelqu'un à la maison et j'égorge une bête pour lui. S'il n'était pas venu, j'aurais pas égorgé. Donc c'est parce qu'il est venu que j'égorge. Ou bien parce qu'il y a, c'est pour mon mariage. Comme le prophète alayhi salatu wa salam a dit, Abdurrahman ibn Auf, Aulim walau bishah. Donc fais un repas ne serait-ce que par un agneau, le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi par rapport à la générosité envers l'autre, من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. Celui qui croit à Allah et au jour dernier, qu'il fasse honneur à son hôte. Donc égorger pour quelqu'un qui vient me visiter pour une occasion, célébrer un mariage ou autre, est-ce que ceci entre dans le shirk? Non. Ça n'entre pas dans le shirk, ni akbar ni asrar, car ce sont des choses qui sont légiférées par Allah et son prophète alayhi salatu wa salam. Troisième catégorie d'égorgement, an yaqa'a ala wajhi tamattu'i bil akli aw litijari bih, que ceci se fasse pour manger cette bête là. J'égorge simplement parce que je veux manger. Cet égorgement, ce n'est pas une ibada en lui-même. Je vais acheter un agneau chez le paysan, je l'égorge. Cet égorgement, il doit répondre à des critères. Je dois évoquer le nom d'Allah, je dois l'égorger en passant le couteau et en égorgeant les veines jugulaires de ce mouton-là ou cette autre bête-là. Il faut que ce soit une bête aussi licite. Mais cet égorgement-là, quand j'égorge moi, est-ce que c'est une bête, une offrande à Allah ? C'est pas une offrande à Allah. Toi, tu égorges, c'est pour manger. Tu égorges pour manger. Donc tu mets comme intention que c'est un égorgement. Que c'est un égorgement qui répond aux critères, mais ce n'est pas une offrande. Comme si tu achetais le même mouton, tu vois, le même mouton, et tu vas égorger ce mouton-là. Tu vas égorger ce mouton-là. À ce moment-là, ton égorgement, c'est pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après en faire une aumône, par exemple. Et après en faire une aumône. Donc il y a une différence entre ces actes-là. Donc ici il dit l'égorgement, donc il y a lieu pour profiter de cette viande-là, ou bien pour commercer après. Un boucher par exemple, un boucher il achète des moutons vivants et les égorge. Pourquoi il égorge? Quand il égorge, son égorgement, c'est même pas une ibada, son égorgement, l'égorgement lui-même. C'est une ada, c'est un travail. Mais ce travail-là, il doit répondre à des critères. Il faut dire bismillah, faire couler le sang, etc. Tout comme quand je vais aux toilettes. Ce n'est pas une adoration. Mais je dois rentrer du pied gauche, je ne dois pas évoquer le nom d'Allah, il y a une manière, etc. Mais est-ce que c'est une adoration en soi-même? Non. C'est une aida. Donc ceci est permis. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ne voit-il pas, dans surat Yassin, ne voit-il pas que nous avons créé pour eux ce que nos mains ont fait comme bestiaux. Fahum laha malikun, ils en sont les possesseurs. Wa dallalnaha lahum, et nous les avons rabaissés, domestiqués pour eux. Faminha rakubuhum, et il y a parmi donc ces bêtes-là des montures pour eux. Wa minha ya'kulun, et ils en mangent aussi. Ils mangent de ces bêtes-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées. Ça, c'était concernant le dhabh. Wa dalilun nadri, et la preuve du nadr. Un nadr, qu'est-ce que un nadr? Dans la langue arabe, c'est rendre obligatoire quelque chose. Dans le shara, la législation, c'est se rendre obligatoire quelque chose qui à la base n'est pas une obligation. Qui à la base n'est pas une obligation. Et c'est introduit par l'expression, par exemple, lillahi alayya. Et ce nadr-là, il est de deux catégories. Un nadr al-mutlaq, le nadr absolu, lillahi alayya. An asuma thalathata ayyam. Il est du droit d'Allah sur moi que je jeûne trois jours comme ça. À la base, jeûner ces trois jours. Et c'est obligatoire? Jeûner trois jours comme ça, c'est obligatoire? Non. Mais maintenant qu'il a dit ça, c'est devenu une obligation pour lui. Ce nadr, il est mahmoud. Celui-là, il est permis. Et il n'est pas comme la deuxième catégorie qui est le nadr spécifié. Donc se rendre obligatoire quelque chose, mais en conditionnant. Si Allah me donne un enfant, il est alors de son droit sur moi de jeûner trois jours. Ça, les savants, il y en a, ils disent makro, il y en a, ils disent haram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ceci ne provient que d'un avare. Ceci ne provient que d'un avare. De fournir une ibada conditionnée par un don. Donc à la base, contracter le nadr, c'est makruh ou bien c'est haram. Deux paroles chez les savants. Mais une fois qu'il a été contracté, al-wafa ou bihi, tenir ce nadr-là, et son exécution devient wajib. Devient wajib. Car il peut y avoir l'ambiguïté. Comment ça se fait, c'est makruh haram, on parle de ibadah. Alors que la ibadah, c'est ismun jami'un lima yuhibbuhu wa yardah. لِمَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَهُ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ. Alors que l'adoration, c'est un nom englobant ce que Allah aime et agrée comme parole et acte, intérieur et extérieur. Suivez. Le nadr. Contracter le nadr spécifique. Allah l'aime? Non, parce qu'il est soit makro, soit haram. Mais comment ça se fait que c'est une adoration? Le shaykh dit « وَدَلِلُ النَّدْرِ ». Après, il nous dit que c'est une adoration. Parce que c'est contracté qu'il soit makro, soit haram. Une fois qu'il a été contracté, son exécution devient une ibada et il est wajib. وَدَلِلُ النَّذْرِ قَوْلُهُ تَعَلَى. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. Et ils tiennent donc leur nadr. Ils appliquent leur nadr. Et ici, le nadr, il y a deux explications. Parce que le nadr aussi a un autre sens dans le shara, c'est l'adoration. Al-ibada. Tout comme al-du'a, c'est aussi synonyme d'al-ibada. Al-nadr, c'est aussi synonyme d'al-ibada. Donc al-nadr, yufuna bin-nadr. Ils tiennent leurs promesses, ou bien ils tiennent leurs adorations. Ils font ce qui leur a été ordonné. Il y a les deux tafsirs. Et celui qui paraît le plus authentique, l'ilm indallah, chez la majorité des savants, c'est al-nadr dans le sens des adorations, le sens général, mais ce qui n'implique pas le fait qu'un nadr dans le sens spécifique n'entre pas ici, n'entre pas dans cette expression-là. Car un nadr dans le sens spécifique est une unité composante du nadr dans le sens d'adoration générale. Yufuna bin nadr wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira, et ils ont peur d'un jour dont le mal sera répandu. Qui est Yawm al-Qiyamah. Surat al-Insan, verset 7. Donc ce nadr-là, c'est une adoration. Et aussi, lui, il est de différentes catégories. Donc il y a le premier nadr, qui est le nadr dans le sens adoratoire. Il est permis que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si jamais j'ai un enfant, j'égorgerai une bête pour tel saint. Il n'égorge pas, hein. Il a juste fait ce nadr. Il n'a pas encore égorgé, parce que l'égorgement, on a vu que c'est du shirk akbar. Avant l'égorgement, c'est quoi le statut de ça? Shirk akbar. Parce qu'il a fait un nadr, conditionné une adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Si jamais je réussis mon diplôme, mathalan, si jamais je réussis mon diplôme, je ferai un soujoud devant telle tombe, pour tel mort, tel saint, parce que celui qui fait ce nadr là, hein, il a apostasie. S'il est musulman à la base, ça c'est du shirk akbar. Donc c'est le nadr, il est de ce détail là. De manière générale, on ne détaille pas trop bihawlillah azza wa jal. Le nadr, il se retrouve dans les livres de fiqh, c'est une mas'ala fiqhiyya. On le trouve dans les livres de jurisprudence. Donc ce sont les 15 adorations que le shirk rahimahullah a détaillées pour nous amener une pédagogie qui est la suivante. L'adoration doit être vouée seulement et exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Premier point. De ceci, nous tirons le deuxième point qui est que toute personne vouant une adoration, quelle qu'elle soit, aussi minime que soit-elle à autre qu'Allah, est mushrikun kafir, associateur mécréant. Troisième point, pour pouvoir adorer Allah de manière unique, sans associer, il faut connaître l'adoration. Avant d'agir, comment est-ce que je sais que ceci est une adoration ou pas? Comment est-ce que je le sais? Il faut donc obligatoirement un dalil spécifique statuant du caractère adoratoire de cet acte-là, intérieur ou extérieur. Et ensuite, pour dire que vouer cet acte-là autre qu'Allah est du shirk akbar, je n'ai pas obligatoirement besoin du dalil spécifique par rapport à cet acte ou cette parole. Parce que le dalil général interdisant de vouer une adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala suffit. Tant que cet acte ou cette parole intérieure-extérieure est une adoration, il entre dans cette généralité. C'est un chapitre important du Cheikh rahimahullah et il est résumé. Le détail, il se trouve dans Kitab al-Tawhid. Cheikh Mohamed Abdel Wahhab, Ibn Abdel Wahhab, Cheikh Mohamed Ibn Abdel Wahhab, rahmatullahi alayhi, lui-même a écrit ensuite Kitab al-Tawhid dans lequel il met un chapitre pour l'espérance. Un chapitre pour la crainte, un chapitre pour la peur, un chapitre pour le tawakkul, un chapitre pour l'égorgement, et dans lequel il va détailler, à la lumière du Coran et de la Sunna, donc le statut de ces actes-là, quand est-ce que c'est du shirk, ça ne l'est pas. Donc, Usul al-Thalatha, c'est simplement une introduction et des grands fondements pour ensuite comprendre Kitab al-Tawhid. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.